force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un qui est préoccupé par les problèmes d'argent. Écoute-moi bien. Préoccupe-toi d'abord de ta vie spirituelle. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que tu recherches, Dieu va t'en donner. Ça fait longtemps que tu résistes à l'appel de Dieu. Ça fait longtemps que tu résistes. Tu continues à marcher dans les mêmes choses. Tu continues toujours à t'accrocher aux choses de ce monde. Abandonne le monde et tu verras, Dieu va débloquer ta situation. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens. Chapitre 2, versets 11 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens 2 à partir du verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Il y a deux vérités sur lesquelles je voudrais insister, chers amis, à partir de ce texte. Voici la première vérité. Elle nous révèle la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a trois choses qui sont dites ici concernant l'œuvre et la personne du Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Il est dit au verset 11, « Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ?» De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, si tu veux connaître les choses de Dieu, c'est-à-dire le mystère de Dieu, il faut que tu sois accroché ou conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Il te connaît les choses de Dieu, qui connaît les profondeurs de Dieu. Deuxième élément, le Saint-Esprit nous révèle les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le verset 12 dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Si tu veux connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce, lorsque tu as accepté Jésus, il y a plusieurs bénédictions que tu as reçues. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont encore ignorants. Ils vivent dans l'ignorance. Ils ne savent pas leur identité. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus la même chose. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Tu es devenu, oui, ambassadeur de Christ. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu ne dois pas te mépriser. Tu es racheté de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Toutes ces choses, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de te révéler ta vraie identité. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te révéler ce que tu as reçu. Je veux parler à un frère. Tu as encore peur des sorciers du village. Ce sont les sorciers en réalité qui doivent avoir peur de toi. Car la Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cesse d'avoir peur de dormir seul. Lorsque par exemple tu fais des mauvais sons, des cauchemars, tu te réveilles la nuit, tu commences à invoquer le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tu sais ton identité, tu sais que Dieu t'a positionné. Et tu vas commencer à prier, à prendre autorité. vérité. C'est le Saint-Esprit qui te révèle les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Et troisièmement, concernant le ministère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous enseigne et nous donne la capacité d'annoncer la parole. Il est dit toujours au verset 13, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Donc, le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. Attention, je ne veux pas dire que lorsque le Saint-Esprit t'enseigne, tu n'as pas besoin d'être enseigné par quelqu'un. Tu n'as pas besoin de faire l'institut biblique ou une faculté théologique comme certains le prétendent. Non, non. L'enseignement de l'Esprit ne nous dispense pas de l'enseignement des hommes. Donc l'enseignement de l'Esprit donc, se fait de manière intérieure. C'est par ce qu'on appelle l'illumination. Il te permet de comprendre les vérités bibliques de manière profonde. Vous voyez, deuxième vérité. Soyons des hommes spirituels et non des hommes animaux. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de deux catégories de personnes. La première catégorie, des hommes animaux. Donc, si c'est une personne, on dit l'homme animal. Vous voyez? Alors, l'homme animal, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Donc, vous voyez, il ressemble à un animal parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Vous voyez, donc, il est un homme animal, quel que soit ses diplômes, quel que soit son rang social. Si toi qui m'entends, tu ne connais pas vraiment Jésus, peut-être que tu vas à l'église, tu vas à la messe, mais tu ne connais pas Jésus, tu fais partie de ce groupe-là. Tu es encore un homme animal. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Alors, regardons ce que Paul dit ici. Qu'est-ce qui caractérise un homme animal? Il dit au verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, il y a trois petites choses qui caractérisent l'homme animal ici. Premièrement, on dit « il ne reçoit pas les choses de l'Esprit ». C'est-à-dire, il n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. Même la parole de Dieu, il ne peut pas la recevoir, vous voyez. La révélation des mystères de Dieu, il ne la reçoit pas parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Deuxièmement, on dit c'est une folie pour lui. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des gens qui se disent des intellectuels, lorsqu'ils vont lire la Bible, ils ne vont pas comprendre les vérités profondes parce qu'ils lisent la Bible avec une approche qu'on appelle l'approche critique. C'est pourquoi même parmi les théologiens, il y a ceux qui appliquent ce qu'on appelle la méthode historico-critique. Ils considèrent la Bible comme un livre ordinaire qui peut avoir des erreurs. Ils disent non, mais comment se fait-il? Il y a quelqu'un qui disait non, c'est comme s'il y a beaucoup de contradictions. Comment à un endroit Jésus peut dire oui, aimez-vous les uns les autres? Et puis, après, il y a un autre passage, il dit, si quelqu'un est son père, sa mère, il ne peut être mon disciple. Donc, un homme animal, il va trouver ça comme une contradiction. Parce qu'il n'a pas la révélation. Il va trouver ça comme une folie. Un homme animal, il y a des faits bibliques qui sont racontés, mais il va trouver ça comme une folie. C'était le cas des Grecs, par exemple, ou des Juifs, qui disaient, mais qui ne pouvaient pas comprendre le fait que Jésus-Christ, qui est le Messie, soit crucifié. Non, humainement parlant, un Messie, c'est quelqu'un qui vient comme un héros, qui vient créer un parti politique, qui vient avec une grande armée pour sauver sa nation. Mais Jésus fut crucifié sur la croix de Golgotha. Non, avec la sagesse humaine, c'est une vérité qu'ils ne peuvent percevoir. C'est une folie. Vous voyez, l'homme animal ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu rencontres quelqu'un qui n'a pas Jésus, n'engage pas une discussion avec lui sur les questions telles que la polygamie, est-ce que c'est bien d'avoir deux femmes, trois femmes? Non, son premier besoin c'est de connaître Jésus-Christ. Parce qu'on dit, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui. Tant qu'il n'aura pas reçu Christ, tant qu'il n'aura pas reçu l'Esprit de Dieu, il ne va pas comprendre ses vérités profondes. Et troisième chose, on dit, il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. Les vérités qui sont dans la Bible, on ne peut pas les juger avec l'intellect. C'est spirituellement qu'on en juge. Il y a des choses qu'on ne peut comprendre que par l'esprit. Je prends un exemple. Quand quelqu'un est en train de parler dans les nouvelles langues, les jours de la Pentecôte, quand les gens, les juifs ont entendu les gens parler en de nouvelles langues, mais ils ont vu que c'est une folie, Et c'est pourquoi ils ont dit, mais ils sont ivres ces gens-là. Alors que celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui connaît l'écriture, il va savoir que c'est l'accomplissement d'une parole du prophète Joël qui a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes fils et vos jeunes filles prophétiseront. Donc le parler en langue ne peut pas être compris par quelqu'un qui est un homme animal. Il va trouver ça comme une folie, il va trouver ça comme une bouaha. C'est spirituellement qu'on en juge. Voyons maintenant l'homme spirituel. Il est dit ici, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Et il connaît la pensée de Christ. Donc l'homme spirituel, c'est celui qui a rencontré Jésus dans sa vie et qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. C'est là l'homme spirituel. Et toi qui m'entends, tu dois être un homme spirituel. On dit l'homme spirituel, premièrement, il juge de tout. C'est-à-dire, il a le discernement. Son jugement est basé à partir de sa connaissance biblique et à partir de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Il juge de tout. Je vais parler à une sœur, écoute-moi bien. Tu veux te marier? Si tu es spirituel, le Saint-Esprit va te donner le discernement pour savoir si ce monsieur qui te demande la main est de Dieu ou pas. Parce que l'homme spirituel, il juge de tout. C'est-à-dire, il a le discernement. Il n'est lui-même jugé par personne. Il ne se laisse pas juger. Ce n'est pas quelqu'un qui va te juger ou bien te dire que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Parce que tu as ce discernement-là en toi-même. Et il dit, il connaît la pensée de Christ. Il connaît la pensée de Dieu parce qu'il connaît Jésus. Il a le Saint-Esprit. Il connaît la parole de Dieu. Bien-aimé, sois un homme spirituel et non un homme animal. Que Dieu soit loué. Chantons ce chant. L'Éternel est bâti la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel bâti la maison, de l'éternité. Le Dieu fidèle qui tient ses promesses. Elroi est le bon berger. Il n'abandonne jamais, jamais toutes ses brebis. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour toutes ces vérités qu'il nous révèle. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 16. Nous sommes à notre émission des prières OSB, acronyme qui veut dire opération sur la brèche. O, opération, B, S sur, B, brèche. C'est ça, OSB. Nous prions chaque jour en nous appuyant sur les saintes écritures. Au microphone, votre serviteur, Dieudonné Ngoumbi. Que Dieu vous bénisse. Nous vous encourageons à partager OSB par WhatsApp avec vos amis, avec vos parents, partout dans le monde où ils sont connectés sur Internet. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit, qui connaît les choses de Dieu, qui nous révèle des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. La force dans la prière, opération sur la brèche. Père Céleste, encore ce matin, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et tu continues de faire. Merci pour tes bontés que tu as réservées. Tu nous restaures ce matin. Merci pour tes compassions qui ne sont même pas à leur terme et qui se renouvellent. Par ta grâce, nous sommes encore vivants et nous sommes debout. Merci donc, cet esprit, parce que tu as des promesses de bonheur et non de malheur pour nous. Et que chacun de nous sache que par la foi en Christ, étant des rachetés, étant des fils du royaume, que tu nous as appelés à marcher dans la domination, tu nous as appelés à marcher dans la vie, dans la foi en Christ, à espérer contre toute espérance, à croire que toutes les bonnes paroles de l'Éternel écrites sont oui et amen. Nous devrons comprendre par l'Esprit de Dieu que nous sommes assis dans les lieux célestes, loin des maladies, loin des échecs, loin des frustrations, loin de toute oppression du diable, et que tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné le contrôle pour marcher sur les œuvres des ténèbres et sur ses suppôts. Merci Saint-Esprit de fortifier la foi de chacun de nous à croire encore en toi. Et donne-nous de comprendre de façon individuelle et particulière que tu as une promesse de voyage, une promesse de guérison, une promesse de santé divine, une promesse de prospérité, tu as une promesse de fécondité, de fertilité, d'enfantement pour nous. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que chaque jour nous devons être animés de la joie, vivre et faire ton œuvre. Faire avancer ton œuvre, marcher par la foi et croire qu'avec toi, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Et merci parce que toutes les bonnes choses que tu as promises pour chacun de nous, aucune de ces choses ne seront différées. Elles s'accompliront tous les jours de notre vie et nous allons davantage et encore te glorifier, te témoigner parce que tu es un bon Dieu qui nous aime. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que l'un des ministères du Saint-Esprit consiste à nous enseigner. Il nous enseigne et il nous donne la capacité d'enseigner aussi ou bien de parler de Christ à d'autres personnes. Que chacun de nous prie. Tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi. Cher Saint-Esprit, enseigne-moi que j'entre dans la connaissance profonde et rends-moi capable aussi de commencer à partager ta parole avec d'autres personnes. Prions le Seigneur. Très excellent Père, voici ce que déclare David dans sa parole. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Ce matin, ô Père éternel, nous nous tournons vers toi et nous te demandons de nous enseigner tes voies, ô Père éternel. Nous avons besoin de tes enseignements qui nous édifient, tes enseignements qui forgent et élèvent notre foi. Nous en avons besoin, ô Père éternel. C'est pourquoi nous levons les mains vers toi et nous invoquons la manifestation de ta puissance dans nos vies. Nous avons besoin de tes enseignements pour les transmettre également aux autres. C'est ta parole qui change notre vie. C'est ta parole qui nous conduit. ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous disons merci au Père éternel pour cette grâce que nous avons de ta part. Nous nous élevons contre tout obstacle à la réception de tes enseignements. Que tout blocage soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous, ô Père éternel, afin que nous puissions les transmettre aux autres, afin que nous puissions être édifiés et être des chrétiens modèles. Merci pour tous tes bienfaits. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour tous ceux qui sont encore des hommes animaux, qui ne peuvent recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, afin qu'ils puissent se repentir, se convertir en donnant leur vie à Christ. Et que chacun de nous prie pour qu'il soit un homme spirituel, un homme mature, un homme qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, un homme qui a la capacité de discerner, de juger de tout. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant et bon, ce matin, nous voici encore devant toi pour te dire infiniment merci parce que tu nous as donné ton esprit. Tu nous as permis de comprendre les choses divines, de comprendre notre position, notre destinée en Christ. Merci parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes qui marchent par l'esprit, qui savent discerner le bien et le mal, des hommes et des femmes qui connaissent leur identité et qui savent marcher dans le temps selon les circonstances. Merci Père parce que tu nous donnes de savoir aussi que par la foi nous pouvons tout par celui qui nous a aimés. Nous devons comprendre que nous sommes des fils du royaume qui marchent et qui vivent par l'Esprit de Dieu. Et en cela donc, nous sommes appelés à être conduits par l'Esprit. Car il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais contrairement à cela, beaucoup marchent par la chair, beaucoup marchent par la convoitise, beaucoup marchent selon les désirs de leur cœur et beaucoup sont des hommes animaux. Ils marchent selon l'esprit animal. Ils sont animés de leur propre convoitise et nous voulons te les recommander. Cette tranche de personnes qui ne te connaît pas réellement, nous prions Seigneur que ce matin, pendant que quelqu'un est en train d'élever la voix pour son papa ou pour sa mère ou pour quelqu'un ce matin, que cette personne soit touché par l'évangile au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que quelqu'un, un parent, soit converti, soit redédié à Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu de convaincre tous ceux qui sont animés par la chair et qui marchent par la chair. Rachète-les, ramène-les dans la bergerie de Christ et que ensemble nous puissions vivre pour témoigner tous les jours que tu es Dieu et pour faire ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Bénis quelqu'un, accompagne quelqu'un et guéris quelqu'un au nom de Jésus. Et exauce la prière de quelqu'un aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Ainsi soit-il. Amen. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Par son bras puissant.